بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 38ème leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 71 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أخرج مسلم. اسمه جابر بن سمرة رضي الله عنه كان أتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم en lui disant, est-ce que je fais l'oiseau pour avoir mangé de la viande de mouton? Il dit, si tu veux. Il dit, est-ce que je fais l'oiseau pour de la viande de chameau? Il dit, oui. Apporté par Muslim. Donc là, la mas'ala, c'est autour de la chair de chameau. Est-ce un annulatif ou pas? Faqala, al-masailu wa l'ahkamu al-mustafalatu min al-hadithi. Awal al-mas'alatun. أكل لحوم الإبل هل ينقض الوضوء؟ Est-ce que le fait de manger de la chair de chameau, cela annule-t-il l'eau? Donc ce hadith là, cité ici, démontre que la chair de chameau consommée annule l'eau. Et ce hadith également est venu selon Al-Bara ibn Azib, apporté par Ahmed. Également Abu Daoud, et authentifié par Cheikh Al-Wadi'i Mokbil, rahimahullah ta'ala, fi As-Sahih Musnad. Donc, ça, c'est la parole de certains savants. Et d'autres voient que cela n'est pas comme un annulatif de l'eau. Et ça, c'est la parole de l'ensemble des gens du fiqh, des fuqaha. Jumhur et Fuqaha. Et la preuve, c'est le hadith de Jabir, dans lequel il fut dit que tout ce qui était touché par le feu, à la base, il y avait un hadith, ça va venir à la fin du livre, que également ce qui annulait l'eau, tout ce qui est en contact avec du feu. Puis ce hadith a été abrogé. Il a été abrogé. Jugement de perdre l'eau parce qu'il était touché par du feu, a été abrogé. Donc pour eux, ils ont mis ça avec le jugement du feu, du fait que la viande de chameau a été touchée par le feu. Mais il y a une réponse à ça, tu vas voir, elle est claire. Donc la réponse, alors Stidlel, c'est que le hadith déjà, de ce qui a été touché par le feu, il est âme. Et que là, celui du chameau, il est khas. Il est spécifique. Premier, il est général, deuxième, il est spécifique. On t'a bien dit, Yarni, le prophète sallam a bien dit au sahabi, Naam. Il lui a posé une question précise sur un point précis. La viande de chameau. Il lui a dit Naam. Taïeb, taïeb. Et il fut dit également que ce hadith-là, de Jabir ibn Samura, il est venu après le nasr de l'autre hadith. Tamam. Du fait de tout ce qui est touché par le feu, annule l'eau. Ce hadith qui était abrogé, il était abrogé avant que ne vienne ce hadith-là sur la viande de chameau. Donc même dans la chronologie, ça ne coordonne pas. Donc il n'y a pas de nasr, il n'y a pas d'abrogation. Et quand bien même ça aurait été ça, on dit alors pourquoi dans le hadith il dit si tu veux à la viande de mouton, et il dit oui à la viande de chameau. Normalement on leur dit mais pour les deux, ça touche le feu. Pourquoi à un il dit inchit, si tu veux, et deuxième il dit naam. Normalement les deux ont été dans le même jugement, vu que les deux ont été touchés par le feu. Donc cela démontre que ceux qui ne voient que la viande de chameau n'annule pas l'eau, d'accord, leur parole, elle est marjour. C'est pas la meilleure parole. Également, la cause de la viande de chameau, elle était aboudia. C'est lié à l'adoration. Le pourquoi, le comment. Parce que certains ont dit qu'en fait, c'est recommandé parce que en fait, la viande de chameau, c'est une viande qui est forte, qui dégage une odeur. Donc quand tu fais l'odeur, tu traces la bouche. Là, ils ont dit, il n'y a pas de dalil là-dessus. Là, on a un hadith qui dit na'am. Pourquoi, kaif, kaza, il n'y a pas. On fait. Comme on dit. Et ça, c'est l'avis qui a été pris par les ulama contemporains actuellement. Et également le muhaddithoun. Que la viande de chameau annule l'odeur. Et il y a deux hadiths qui le disent bien. Ce n'est pas plus. Ça, c'est l'avis de Bayhaqi, d'An-Nawawi, le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, son élève Ibn Qayyim, Shawkani, l'Albani, Ibn Baz, Wadi'i, le Cheikh Ibn Uthaymin, ou Ghayruhum, min Ahli al-Ilm, Rahmatullah alayhim ajma'in. Donc, la viande de chameau annule l'odeur. Mas'ala, akl, baqiyat ajla al-ibil. مما عدا اللحم كالكبد والكرش والسنم والامعاء والمرق. Donc il dit le fait de manger les autres parties du chameau n'étant pas de la chair, car on dit différencier entre la chair, par exemple tout ce qui est intestin, boyau, entrailles, ainsi que le maroc, le jus, enfin on va dire le bouillon, le foie, toutes ces choses là la rate, toutes les parties intérieures, les entrailles, eux, ils les différencient de la viande. Donc là, le khilaf est tombé là-dessus. Donc certains voient que cela n'annule pas l'odo. Ce qui annule l'odo, c'est juste la chair, la viande pure. Tamam. Et ça, c'est une parole choisie par Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti, et celui d'après, le mufti d'après, Cheikh ibn Baz. Rahmatullah alayhima. Et d'autres ulama voient que ça annule l'odo. Car pour eux, ça rentre dans le sens de la chair. Tout cela est concerné par la chair de chameau. Ça, c'est le coup qui a été choisi par Cheikh Abdul Rahman al-Sa'adi et Cheikh Ibn Uthaymin. Car ils voient comme preuve Aou l'ahm khinzil yashmal l'umour al-mafkoura wa zalika hauna ka zalika hauna. On dit par exemple dans la parole d'Allah, dans ce qu'il dit, ou de la chair de porc. Et pourtant, ça englobe tout ce dans le porc, et non pas que sa chair. Eux, ils disent si Allah subhanahu wa ta'ala dit l'arbre khinzil et tout le porc interdit, alors pourquoi la chair de chameau serait interdite et les autres parties seraient autorisées? Pas autorisées, je veux dire. Pourquoi la chair de chameau serait un orchid et pas le reste? Quand on dit chair, ça englobe tout l'animal, de ce qui se mange. Donc, chair. Ibn Hizam, lui, il est d'avis des premiers. Ça ne concerne que la chair, pas le reste. Et il répond à cet argument par rapport au verset. Déjà que c'est une chose qui est l'adoration, d'une part. Donc on a besoin d'une autre preuve démontrant que les autres parties autres que la chair annulent l'odeur. Et quant à le reste de l'aile avec le verset, Aou lahma khinzil, il dit qu'il y a d'autres, que tout ce qui touche au porc est interdit, et ce basé sur d'autres adillah. Qu'on est fainou rishtun, car le porc est une chose mauvaise. Donc là, le verset, il englobe tout le porc, et pas que sa chair. Une partie dit la chair, une partie dit le porc entièrement. Et également, parmi les choses qui démontrent que tout le porc est mauvais, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yushiku an yanzila Isa ibn Maryam fa yaksir al-salib wa yaktul al-khinzil. Que Isa ibn Maryam est sur le point de descendre, qui va briser la croix et qui va tuer le porc. Donc ça, c'est l'avis du chir. Personnellement, je suis plus d'avis du deuxième. Que la chair s'englobe tout le reste. Wallahu ta'ala a'lam. En tout cas, il y a un khilaf et voilà. Après, il dit Mas'ala, al-ben ou l'ibil. Le lait du chameau, du chamel, on va dire. quand même, assis dans le même jugement. Donc là, apparemment, il y a eu un khilaf. Certains ulama, ils ont dit oui, d'autres ils disent non. Ceux qui disent non, ils disent le lait, c'est pas de la chair. Et c'est pas du foie, c'est un truc qui est à part. Tu vois. Et d'autres, tu vois que ça rentre dedans. Mais eux, ils ont quoi? Ils ont un hadith avec eux. Un Nabi sallam qui dit faites l'eau d'eau de la chair de chameau et de, ce lait, de son lait. Mais le hadith est daif. Et il est venu dire hadith où le Nabi sallam a fait boire du lait de chameau. Comme ces hommes qui sont venus à El Medina, qui sont tombés malades, qui leur a dit de prendre du lait de chameau pour qu'ils guérissent. Si jamais ça avait été un encre de l'eau d'eau, il aurait dû faire l'eau d'eau. Ils l'ont renseigné cela. Quand même. Donc ça c'est l'avis de Cheikh Ben Baz et Cheikh Othaymin, que le lait de chameau, d'eau, de chamel, à fouen, n'anime pas l'eau d'eau. Et c'est l'avis, moi, qui me paraît également le plus véridique. Naam. Donc le khulasa de ce hadith, c'est que la viande de chameau annule l'eau d'eau. Avec Khilef, est-ce que c'est juste la chair ou tout ce qu'il y a dans le chameau, hors le lait, parce que le lait c'est pas de la chair, c'est même pas de la viande, ça ne se mange pas, ça se boit. Et voilà. Ça y est. Après il dit Al-Hadithu Sanyu Sibun. Wa Nabi Urayrata Radiru Anhu Kalek Al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man Ghassala Meitan Falyaghtasil Wa Man Hamalahu Falyatawadda. أخرجوا أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. Donc selon Abu Huraira, qui est le 72e hadith, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui lave un mort, qu'il fasse le ghusl, qu'il se lave, et que celui qui le porte, fasse l'eau d'eau. Apporté par Ahmed, Nasaï et Tirmidhi, qui l'a rendu bon, et Ahmed dit qu'il n'y a rien d'authentique à ce sujet. Et le hadith, en fait, il est mawkouf. Il est mawkouf. Il n'est pas marfou. Taïeb. Mas'alatun. Hel ala man ghassala al-mayyita al-ghuslu ou al-wudu. Est-ce que celui qui a lavé un mort doit faire le ghusl ou faire l'wudu? Il cite une parole d'Ibn Mundhir dans son livre Al-Ishraf. Il dit que Ibn Omar, Ibn Abbas, Al-Hassan al-Basri, Al-Nakhai, Al-Shafi, Al-Ahmad al-Ishaq, Abu Thur, Al-Ashab al-Ray, la ghusla alayhi. Tous ces gens-là voient qu'il n'y a pas de lavage pour avoir lavé à mort. Et que Ali et Abu Huraira et Ibn Musayyib et d'autres, Ibn Sirin et Zuhri, voient qu'il y a un lavage. Et d'autres ulama voient qu'il y a l'eau. Et au final, Ibn Mundhir, il dit, après avoir cité toutes ces paroles, il dit il n'y a rien d'authentique qui dit qu'il faut faire l'eau. Ou le ghusl à la wajib al-wujub, de façon obligatoire. Cependant, on a un hadith, on l'a pris il n'y a pas longtemps, dans le Jamai Sahih, de Ali, quand il annonce au Prophète sallallahu alayhi wa sallam que son père était mort. Vous voyez, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit va enterre-le et reviens me voir. Il ne parle à personne. Il n'est pas sur enterré. Il est revenu le voir. Il lui a dit, va faire le rousle, ne parle à personne, et reviens me voir. Il est parti, il a fait un rousse, il est revenu le voir. Et après, il a fait le doa. Tamam? Le hadith, on a pris. Donc là, dans ce hadith-là, il lui a donné l'ordre de se laver. Mais il a été expliqué que cela est à wajh istirbab. Et non pas le wujub. Car avec tout ce qu'il y a eu comme janaza à leur époque, si jamais ça avait été une chose qui avait été claire, le Sahaba l'aurait su. N'avoir que des lodos, c'est une chose qui est sûre pour eux, qui est connue pour eux, tous. D'accord? On aurait eu un délit clair qui dit que ça annule l'odo. Ou que ça inclut de faire le rosl. Il y a un autre hadith qui va venir plus tard, Inch'Allah, dans le Bab al-Rosl, par Aïcha. Dans lequel il y a celui qui se lavait aussi du rousse pour le lavage du mort. Le hadith, il est faible. Donc, Cheikh Ibn Huzaym, il voit cet avis-là également, qu'il a dit qu'il n'y a pas d'eau, ni l'eau, ni le rousse. Qu'il n'y a aucun dalil et ce qui était porté de Ali radio anhu, c'était à la bab wajh istihbab. Après elle dit hal ala man hamala mayyitan an yatawadda, est-ce que celui qui a porté à mort doit faire le dos. Il rapporte une part de Muqaddama dans le Mughni rahimahullah ta'ala où il dit, après qu'il cite ce hadith d'Abu Huraira, il dit la na'lamu ahadan qala bihi fi al-wudu man hamalahu, nous connaissons personne qui ait dit qu'il fallait faire le dos pour avoir porté à mort. قال صنعاني في سبل السلام لا أعلم قائلا بقول بأنه من حمل الميت ولا يندب. Je ne connais personne qui a dit que cela était obligatoire ni même recommandé de faire le dos pour avoir porté un mort. Donc le shir finit en disant que le hadith il est faible, donc il n'est ni obligatoire et ni même recommandé de faire le dos pour avoir porté un mort. فهذا كان مسألة اليوم. Les deux sujets d'aujourd'hui qui étaient la viande de chameau, est-ce que c'est un enquête de l'odo? On a dit que non. À la sahih. Et est-ce que laver le mort ou le porter, est-ce que laver le mort inclut de faire le rousse ou le porter inclut de faire l'odo? Il n'y a pas de dalil clair. Il y a juste le hadith de Ali par rapport au rousse et il a été interprété par l'istirbab et non pas par le wujub. Mafhoum min hadha? طيب. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.